est une île habitée, jamais déserte ni désertée. Elle est habitée en hiver comme en été, de pêcheurs, de faiseurs de bateaux, de bistrots, tavernes enchantées. C'est une île brune et verte, aux maisons blanches toujours ouvertes. On y trouve un verre de résinée, la lumière de la Méditerranée, quelques touristes à l'année, des hippies et des chiens, des voyageurs, des marins. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. On y rencontre, lorsque tombe le soir, des femmes en noir, serrant dans un mouchoir le basilic et le laurier. C'est une île habitée de tout un passé. Elle flotte au soleil depuis l'Antiquité. C'est une île habitée par une femme, une amie, une amante, un amour, un ami de toujours, un ami d'aujourd'hui, et tous les inconnus habillés de fierté, si fiers d'habiter cette île qu'ils n'ont jamais été voir de l'autre côté. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. Je la connais, j'y suis allé, et puis je l'ai quitté un matin de mai. Mais je sais que j'y retournerai et je t'emmènerai habiter cette île. Et je t'emmènerai habiter cette île que nous ne déserterons jamais, jamais, jamais, jamais. Adiosas.